Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une commandite de votre magasin local et régional Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Le printemps est à nos portes et pour vos besoins d'articles printaniers, c'est Canadian Tire du 1751 boulevard Vézina qui est l'endroit idéal. Surveillez la circulaire chaque semaine pour les différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 10 juin. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional. Là-bas, en parlant des Saguenay de Chicoutimi, c'était le repêchage en fin de semaine et les Saguenay repêchaient dernier lors de la première ronde. Et l'équipe de Yannick Jean a sélectionné le défenseur Oscar Plendoski, un défenseur qu'on dit offensif et qui avait une entente avec une université américaine. Par contre, il n'a pas fermé la porte à venir jouer avec les Saguenay. En deuxième ronde, les Sags ont repêché Jacob Guévin, un autre défenseur de l'Université de Nebraska. Il y a deux joueurs du Haut du Lac qui ont été repêchés. Il s'agit d'abord de Fabrice Fortin de Saint-Félicien et Philippe Pelchat de Dolbeau-Mistassini qui ont été repêchés en 8e et en 13e ronde. Les Saguenay qui ont également confirmé plusieurs transactions, dont une très très importante d'ailleurs. Ils ont acquis le Raphaël Harvey-Pinard. C'est une transaction que tout le monde savait que ça allait se faire. Donc les Saguenay qui ont acquis Harvey-Pinard autour d'un choix de deuxième ronde et d'un choix de troisième ronde en 2020 et 2021. Et Ethan Crossman également qui a été acquis par les Saguenay. On dit que c'est un gros attaquant robuste. Crossman a été échangé contre un choix de deuxième ronde et de troisième ronde en 2019. Donc, c'est une transaction avec le Drakkar de Bécomo. Maintenant, on va parler du côté de soccer. Il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les ligues de soccer du secteur. D'abord, Jean Dumas a défait le Saint-Ambroise 7-0. Ça se passait jeudi soir. Également, le FC de Saint-Félicien dans les catégories... dans le senior masculin a gagné 8-5 sur le Boréal d'Alma. Hier soir, maintenant, il y avait un match de senior féminin, FC Saint-Félicien 2, le Chinook de 0-0 et l'attaque de Saint-Prime en senior division 2 a gagné 3-0 contre le FC Jean Dumas. Alex Bussière de Dolbeau-Mistassini était en action au cours du week-end et le coureur de Dolbeau-Mistassini a quand même bien fait lors de cette compétition. Bussière a joué quand même, a terminé au premier rang, ou plutôt au sixième rang, avec un temps de 1 minute 54. C'est un bon retour après un an d'absence. Bussière qui a mentionné qu'il a changé d'entraîneur et il est mandaté par un Québécois qui est un recordman au 100 mètres, Ashraf Tadili. Et au soccer, maintenant, il y avait des matchs qui nous intéressaient, plutôt au golf, pardon. Il y avait Stellomnium hier au club Saguenay d'Arvida. Et notons que Jean Lamotte de Saint-Prime a remporté la victoire. Le sport local et régional à danradiosport.com, on s'en occupe.